Carl. Salut Caillou. On n'est pas bien là, à glander, décontracté du gland, comme disait le film. On n'est pas bien là, à la fraîche, décontracté du gland. Thank you. la fraîche, décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Thank you. Mm-hmm.